Selon CBS de Corée du Sud, le Conseil de l'Église catholique a publié le 26 courant une déclaration contre les États-Unis et les autorités militaires qui ont disposé le SAD. Précédemment, le 24, cette organisation religieuse avait tenu en commun avec les catholiques aux États-Unis une conférence de presse et adressé au président américain et au président sud-coréen par intérim la lettre d'urgence demandant l'interruption de la disposition en Corée du Sud du SAD et l'aggravation de la situation dans la péninsule coréenne. Par ailleurs, selon les informations sud-coréennes, la Solidarité pour le Progrès a publié le 26 une déclaration exigeant des États-Unis et des autorités d'évacuer sur le champ le monstre de la guerre SAD déployé en Corée du Sud subitement en trompant le peuple.